Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et peut-être faites-vous partie des 70% de la population qui ont déjà vécu cette sensation de déjà-vu, ce sentiment étrange d'avoir déjà assisté à une scène que vous êtes pourtant en train de vivre à l'instant. Un flash, un instant fugitif, furtif, fugace. Et comment la science explique-t-elle ce phénomène? Parce que oui, la science explique ce phénomène. Eh bien, nous allons le voir avec Adèle Mazurek. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors bonsoir Adèle, avant de commencer, est-ce que toi-même t'as déjà eu cette sensation de déjà-vu? Oui, en effet, je fais partie des 70% qui ont déjà expérimenté cette sensation. Est-ce que c'est ton cas à toi? Oui, ou pas? Aussi, oui. C'est plutôt déconcertant, enfin moi je trouve, mais je rassure tout le monde, j'ai pas de don de voyance ou de, je suis pas une preuve de réincarnation. Non. Il existe bien des théories scientifiques qui tentent d'expliquer ce phénomène, c'est pas encore fixé. Ouais. Donc pour les personnes, les 30% qui n'ont pas vécu, expérimenté cette sensation, on parle de quoi finalement? Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe? Alors c'est sûr, c'est une sensation justement, donc c'est assez difficile de mettre des mots là-dessus, mais par exemple, bon là ce soir on est en train de faire cette chronique, comment ça se passerait? Ben, peut-être que d'un seul coup j'aurais l'impression d'être déjà venue ici, d'avoir déjà parlé de ce sujet-là avec toi. Mm-hmm. Une sensation un peu bizarre comme ça, ça peut arriver à n'importe quel autre moment, ça peut être pendant qu'on fait des courses, lors d'une conversation avec un ami. Alors c'est sûr que le déjà-vu a fait l'objet de nombreuses études, notamment par l'intermédiaire de questionnaires au départ. Donc les personnes, par exemple, doivent décrire dans quelles conditions est apparu le déjà-vu, ce qu'ils ont éprouvé à ce moment-là, quels étaient les éléments distinctifs de la scène, et combien aussi de temps a duré l'association, etc. Enfin, plein de petites questions comme ça. Et il s'avère que le déjà-vu arrive très souvent pendant des situations courantes, donc ce que je disais, par exemple, faire ses courses. On va voir un ami, quelque chose de banal. Oui, de banal, oui. Et ça affecte autant les hommes que les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus souvent les jeunes adultes âgés de moins de 40 ans. Et souvent, les sujets sont fatigués ou sont anxieux. Mais donc là, tu dis qu'il y a des études scientifiques sur le sujet. Est-ce que ça fait longtemps qu'on étudie ce sujet-là? Alors, le sujet intrigue en fait déjà apparemment depuis l'Antiquité. Mais évidemment, à cette époque-là, les connaissances scientifiques n'étaient pas assez avancées pour donner des théories qui expliquent cette sensation. Donc, soit on vous prenait un peu pour un fou, ou on expliquait ce phénomène par la réincarnation, les dons de voyance, les vies parallèles, etc. C'est le médecin français Émile Boirac qui a utilisé pour la première fois ce terme en 1876. Alors, les études plus scientifiques, elles, ont commencé plutôt vers la fin du 19e siècle, notamment avec le neurologue anglais Huggins Jackson, qui a remarqué que les patients qui sont atteints d'un certain type d'épilepsie, donc les épilepsies temporales, vivaient ce type d'expérience pendant leur crise, en fait. Mais il me semble que l'épilepsie, c'est dû à un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher là aussi l'explication de ce sentiment de déjà-vu? Ben, aujourd'hui, on sait que oui, grâce aux avancées en neuroimagerie et en psychologie cognitive. Il existe par contre plusieurs théories. Celle que je vais présenter tout d'abord, c'est celle qui semble le plus probable pour le moment, mais il n'y a pas une théorie qui peut en exclure une autre. Donc oui, le cerveau pourrait être impliqué. Alors, un bref rappel, le cerveau est divisé en plusieurs lobes, et nous, le lobe qui va nous intéresser, c'est le lobe temporal. Et puis ce lobe-là, si je me souviens bien de mes vieux souvenirs d'anatomie, c'est celui où on trouve l'hippocampe. Donc celui avec la mémoire, alors il y a peut-être un rapport. C'est ça, mais toi apparemment, ton hippocampe fonctionne bien. Mais en effet, oui, c'est cette structure qui est situé en plein cœur du cerveau, qui a un rôle très important dans la mémoire. Alors pour faire simple, en fait, lors de la formation d'un souvenir, donc, la nouvelle information va converger d'abord vers une zone qu'on appelle le cortex périnal. C'est pas forcément important de retenir le nom, mais ces informations sont ensuite envoyées dans une deuxième zone, donc de transit, le cortex entorhinal, puis ensuite en effet vers l'hippocampe où les informations, ces nouvelles informations vont être mémorisées. Mais ça, c'est quand ça se passe normalement? Tout à fait. Alors l'hypothèse émise par les chercheurs, c'est qu'il existe un dysfonctionnement du cerveau, une sorte de panne temporaire en fait. Et dans ce cas-là, le cerveau n'identifie plus la situation comme étant nouvelle, donc nous, on estime l'avoir déjà vécue ou déjà vue. Mais j'imagine que c'est pas possible d'étudier une sensation de déjà-vu étant donné qu'elle est imprévisible, donc comment les chercheurs font pour étudier ce phénomène? Donc en effet, on peut pas vraiment savoir à quel moment elle va apparaître, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, on s'est aperçu que certaines formes d'épilepsie pouvaient provoquer justement ces sensations de déjà-vu en début de crise. Alors une étude qui revient souvent dans la littérature, c'est celle réalisée par le docteur Bartholomei. C'est un neurologue à Marseille en France. Alors comment il a fait? Il a stimulé électriquement en fait les cortex rhinaux, donc ces zones où transitent en fait les nouvelles informations, chez 24 patients épileptiques. Et il est parvenu en fait à déclencher une sensation de déjà-vu chez 11% d'entre eux. Donc c'est vraiment lié à cette zone-là. Et ensuite, il y a d'autres études qui ont renforcé également cette hypothèse. Et donc, chez les personnes qui ne sont pas épileptiques, est-ce qu'on sait ce qui se passe ? On ne sait pas encore exactement à quoi ça pourrait être dû, mais souvent c'est dû donc à la fatigue ou au stress. Donc ça serait peut-être à cause de ça serait ça en fait qui provoquerait ce dysfonctionnement. Mmh. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une explication unique pour le déjà vu, mais qu'il y en avait d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces autres explications ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'hypothèses. Il y en a trois en particulier qui sont plus répandues. Donc la première, c'est la théorie du double traitement. Donc en fait, notre cerveau, au lieu de traiter plusieurs informations, normalement, on traite plusieurs informations en même temps. Mm-hmm. Il va en traiter une avec un léger décalage et on va avoir l'impression en fait que c'est un élément distinct qui n'a pas eu lieu en même temps. Pour expliquer un peu ça, imagine que tu es au restaurant et que le serveur renverse ton assiette. Tu as plein de choses à regarder, plein d'informations, l'assiette qui tombe, les débris au sol, l'odeur de ton plat, etc. Mm-hmm. Donc, normalement, toutes ces informations sont enregistrées en même temps, mais il se peut qu'il y en ait une qui est enregistrée après et en fait, toi, tu vas l'interpréter comme quelque chose que tu as déjà vécu, alors que tout s'est passé à un millième de seconde. Alors ça, c'était la première théorie. La deuxième, c'est la théorie de l'hologramme. Donc en fait, ça, c'est un élément de la scène qui va te remémorer un souvenir ancien, mais inconsciemment. Donc par exemple, tu es dans une pièce, puis tu as vraiment l'impression d'avoir vécu ce moment-là. Mm-hmm. Et en fait, dans cette pièce, il y a des rideaux qui sont exactement les mêmes que chez tes grands-parents quand tu étais petite. Mm-hmm. Sauf que tu t'en souviens pas. Donc toi, tu as l'impression d'avoir déjà vécu cette scène-là. Mais c'est parce que ces rideaux te font penser à la maison de tes grands-parents. Ouais. Et donc, ton cerveau l'associe à quelque chose que tu as déjà vécu. Ouais. D'accord. Et donc, la troisième théorie ? Alors, la troisième, c'est celle de l'attention divisée. Alors, tout simplement, pour prendre un exemple, tu es dans le bus, tu es en train de lire un livre et tu ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi. Alors, pourtant, ton cerveau, lui, enregistre tout inconsciemment. Et tout d'un coup, ton arrêt arrive, tu arrêtes de lire, tu es de nouveau attentive. Et là, tu reprends conscience de ton environnement petit à petit. Et tu as l'impression d'avoir déjà été là auparavant dans cette situation. Et finalement, c'est ce qui est le cas, mais tu n'y avais pas fait attention jusqu'à maintenant. D'accord. Donc voilà, finalement, qui démystifie ces sensations de déjà-vu. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tout s'explique par les petits cafouillages dans notre cerveau. On n'enregistre pas exactement les bons souvenirs au bon moment, au bon endroit. Donc merci beaucoup, Adèle. Puis donc, si jamais vous vivez ces sensations de déjà-vu, demandez-vous si vous étiez distrait, stressé ou fatigué, ou encore si un élément de votre environnement ne ravive pas un lointain souvenir, et repensez à ces différentes théories. Peut-être que l'une d'elles pourrait expliquer votre déjà-vu.